file la chasse. Ces gros tas, je chicote dans la paella. Aux Anglais, ces têtes de con, je chie dans leur chapeau melon. Aux Allemands, ces gros blaireaux, je chie dans leur culotte de peau. L'Europe, j'en ai plein les godasses. Thank you.